Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Et nous accueillons à nouveau donc ce mois-ci des étudiants qui vont nous proposer des chroniques et des interviews économiques. Et pour co-animer cette émission, comme chaque mois, je retrouve donc la fidèle au poste Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors bienvenue donc pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors en effet, nous accueillons dans les studios des étudiants de la section donc DCG du lycée Georges de la Tour, donc DCG qui signifie diplôme de comptabilité et de gestion, et qui prépare notamment à l'expertise comptable. Alors dans cette formation, on retrouve des enseignements en économie, droit, fiscalité, donc des enseignements qui nous intéressent directement pour concevoir donc cette émission. Alors justement, Francine, quel est le contenu de cette nouvelle émission ? Eh bien Jérôme, les étudiants ont conçu des chroniques économiques, mais aussi réalisé des interviews de professionnels. Alors justement, pour commencer, nous allons retrouver Nicolas et Yann qui vont nous parler de l'impact de la crise sanitaire sur l'immobilier. Alors donc, Nicolas et Yann, record de des transactions en 2022 avec plus de 1,2 million de ventes de logements anciens, mais un autre segment du marché de l'immobilier connaît un regain certain, c'est celui de la résidence secondaire. Oui, complètement. Si un certain nombre de Français s'étaient déjà décidés à acheter ce type de propriété avant la crise sanitaire, les confinements successifs ainsi que le développement du travail à distance n'ont fait qu'amplifier ce phénomène. Par exemple, en 2021, les volumes d'achat ont ainsi augmenté de 14,5% concernant les résidences secondaires. Alors, quel est le profil des acquéreurs ? Alors, l'expérience des confinements successifs a renforcé la volonté de nombreux actifs urbains, essentiellement franciliens, d'avoir plus d'espace intérieur comme extérieur. Les CSP+ parisiens, tels que les cadres, ont ainsi découvert qu'ils pouvaient s'acheter une grande maison avec jardin ou terrasse pour le même prix que leur appartement. En plus, le développement du télétravail a renforcé l'attrait de la résidence secondaire. Alors finalement, on peut dire que la résidence secondaire se transforme peu à peu en résidence semi-principale, mais de quelle manière ? Tout à fait. La résidence secondaire n'est plus comme autrefois un simple pied-à-terre où l'on venait pour se détendre, uniquement le week-end ou pendant les vacances. Désormais, les métiers qui peuvent s'effectuer loin du bureau choisissent, tout en conservant leur logement principal en ville, de délocaliser leur lieu de travail dans un endroit plus calme, plusieurs jours par semaine. Ce statut hybride de la résidence secondaire fait qu'elle se transforme donc peu à peu en résidence semi-principale. Alors donc Yann, quelle région profite le plus de ce phénomène ? Alors, les personnes qui habitent l'hypercentre des villes recherchent une résidence secondaire située idéalement dans un rayon de 100 km avec une bonne desserte ferroviaire et une bonne connexion internet pour le télétravail. Par exemple, les villes de Senlis, Fontainebleau ou encore la vallée de Chevreuse figurent parmi les secteurs les plus demandés par la clientèle francilienne. Mais il y a aussi les littoraux normands, bretons et atlantiques qui voient affluer de nombreux acquéreurs, actifs comme retraités, au pouvoir d'achat généralement élevé. On observe d'ailleurs que pour les villes de La Baule et Biarritz, la pénurie de biens engendre une explosion des prix. Alors Nicolas, pour conclure, on voit bien que la résidence secondaire fait de nouveau rêver, mais quelle réalité s'impose ? Bien, tout d'abord, il faut avoir les moyens pour acquérir une résidence secondaire, notamment avec l'augmentation des prix qui sont liés à la pandémie du Covid. Sans oublier que la facture peut très vite grimper si l'on considère les frais d'entretien, de rénovation ou encore les charges courantes qui sont liées à la fiscalité, telles que la taxe foncière ou la taxe d'habitation. Vous avez raison de préciser effectivement que la taxe d'habitation qui a été supprimée pour la résidence principale existe donc toujours pour la résidence secondaire. Et donc il faut donc en tenir compte lorsqu'on décide donc d'investir dans une résidence secondaire. Eh bien merci Nicolas et Yann pour cette chronique qui nous a permis de nous éclairer sur le regain donc en faveur de la résidence secondaire. On va donc dans quelques instants donc retrouver donc une nouvelle chronique. Alors maintenant, nous allons écouter Émilie et Andrea. Alors, qui avez-vous rencontré ? Nous sommes allés à la rencontre d'un restaurateur, Monsieur Impelizzeri, gérant du restaurant Les Terrasses à Commercy, qui a été directement victime de la crise sanitaire et nous lui avons posé quelques questions. Tout d'abord, pouvez-vous présenter en quelques mots votre établissement ? Alors, le restaurant Les Terrasses a été construit au départ pour en faire un restaurant d'entreprise. Moi, je fonctionne différemment de mes prédécesseurs, tout en ayant gardé le self-service qui est ouvert aux entreprises et aux gens de l'extérieur. J'ai une salle où je propose de la cuisine bistronomique et une autre où je fais des repas privatifs. Il s'agit donc d'un grand établissement ? Oui, c'est un grand établissement. J'ai repris ce restaurant en octobre 2020, mais malheureusement, j'ai pu ouvrir qu'en juin 2021 à cause du confinement. J'ai 3 employés, je prends des extras et moi-même, je travaille pour 2 personnes. Comme votre établissement était récent, vous n'avez pas bénéficié d'aide de l'État. Alors comment avez-vous réussi à surmonter cette crise ? J'ai pu m'en sortir grâce à la Codecom, qui est le propriétaire de ce bâtiment, en ne pas me faisant payer les loyers, et aussi grâce à l'usine Safran qui se trouve en face de mon établissement. Leurs employés m'ont pris des repas à emporter pendant toute cette période difficile. Et la hausse du prix des matières premières est une autre difficulté pour votre établissement ? Matières premières augmentées, plus ou moins de, on va dire, 20%, surtout les produits nobles. Et lorsque j'ai des réceptions, mes clients, ils me négocient mes devis, mes tarifs, et moi, de mon côté, ma marge, elle diminue. Souvent, oui, j'ai des problèmes avec les fournisseurs, car eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se faire approvisionner. Avez-vous rencontré des difficultés de recrutement ? Depuis cette crise sanitaire, il est très difficile de recruter du personnel professionnel. Certainement que beaucoup d'entre eux se sont orientés dans une autre profession. Et oui, on a beaucoup de problèmes, oui. Eh bien, merci donc, Émilie Andréa, pour ce témoignage d'un professionnel de la restauration qui démontre finalement que la crise sanitaire n'a pas été facile à gérer. Bien, on va passer maintenant à la chronique donc de Enzo et Geoffrey qui vont nous parler donc du nouveau taux d'imposition des GAFA. Alors justement, que sont les GAFA ? Alors l'acronyme GAFA désigne les 4 entreprises les plus puissantes au monde, à savoir Google, Apple, Facebook et Amazon. Ces 4 sociétés représentent elles seules plus de 7000 milliards de dollars. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si les GAFA étaient un pays, celui-ci aurait le 3e plus gros PIB au monde, juste derrière la Chine et les États-Unis. Alors justement, donc Enzo, une petite remarque, je crois que le PIB de la France est 2500 milliards de dollars et le PIB de la France est inférieur à celui donc d'Apple. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Donc comment ces firmes sont-elles taxées actuellement ? Alors actuellement, chaque pays a son propre taux d'imposition pour chaque type d'entreprise. Cependant, les géants du numérique tels que sont les GAFA profitent des pays à faible taux d'imposition pour y implanter leurs sièges sociaux, comme par exemple en Irlande où le taux d'imposition est de 12,5%. De ce fait, de nombreux cas d'évasion fiscale sont constatés, notamment 230 milliards d'euros placés sur des paradis fiscaux chez Apple et 50 milliards chez Google. Depuis longtemps, les États cherchent une solution à ce problème. Malheureusement, les discussions étaient au point mort depuis ces dernières années, du fait notamment de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. En effet, ce dernier ayant diminué le taux d'imposition des grosses firmes aux États-Unis à un niveau record, il n'était pas pour la mise en place d'un taux d'imposition universel et a même menacé d'augmenter le taux d'imposition des produits d'importation sur son territoire. Toutefois, un accord vient d'être trouvé récemment, alors qu'est-ce que cet accord va changer ? L'OCDE est dernièrement parvenu à un accord avec 136 pays pour l'imposition des multinationales qui entrera en vigueur d'ici 2023. Cet accord prévoit notamment un taux d'imposition universel de 15% minimum pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros. Cet accord intervient notamment grâce à l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, bien plus ouvert que son prédécesseur sur la question, et grâce à cette réforme, Bercy espère récupérer entre 6 et 7 milliards d'euros. Seuls 4 pays n'ont pas ratifié l'accord, à savoir le Kenya, le Nigeria, le Pakistan et le Sri Lanka. Sans surprise, les paradis fiscaux seront les grands perdants de ce Big Bang fiscal. De fait, avec une telle réforme, l'effet impôt zéro offert par des paradis fiscaux comme les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques ou Jersey et Guernesey serait de facto neutralisé puisque les États récupéreraient la différence entre les impôts acquittés à l'étranger par leurs entreprises nationales et à l'impôt à 15% qu'elles auraient dû acquitter sur leur sol. Eh bien, merci pour ces précisions, donc Geoffrey et Enzo, car d'ici donc 2023, on l'a bien compris, donc l'impôt zéro n'existera plus. Eh bien, première pause musicale donc dans cette émission, l'occasion de retrouver le premier choix des étudiants, à savoir donc Ed Sheeran qui nous interprète Shivers. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah. on the back seat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart, put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Voilà, c'était donc Ed Sheeran avec la chanson Shiver. C'était le premier coup de cœur des étudiants donc, du lycée Georges Latour pour la formation donc, du DCG. Bien, on retrouve maintenant Pogos et Samouri qui sont allés à la rencontre donc, d'un professionnel. Oui, tout à fait. Nous sommes allés à la rencontre des dirigeants de la société L2PI, spécialisée dans la distribution de bouteilles acier pour l'alimentaire, comme par exemple pour les brasseries. Pouvez-vous présenter votre entreprise ? Alors l'entreprise, donc, c'est L2PI, on emploie 30 salariés. C'est une entreprise qui vend du gaz alimentaire pour la brasserie. Donc nos principales clients sont les grossistes en boissons, donc les distributeurs de boissons, mais les grossistes. Et on a quelques petites activités annexes, style pour des machines à moustiques par exemple, où il y a besoin de CO2 et on fournit également du CO2, et pour la brasserie aussi, pour la fabrication de la bière. Donc ils ont aussi besoin du CO2, il n'y a pas que pour le tirage de la bière. Mais nos clients principaux, ce sont les distributeurs de boissons. Donc nous, on a 30 salariés. On a, donc les salariés, ça se décompose entre des personnes qui sont dans l'atelier, et donc qui remplissent les bouteilles, qui font la mise en peinture des bouteilles, le montage des robinets. Et on a aussi des chauffeurs donc, qui livrent en fait, le CO2 chez nos clients. En fait, on a surtout de A à Z, c'est-à-dire qu'on va chercher notre gaz en Allemagne, on le ramène, on remplit nos citernes, on charge les bouteilles et ensuite on livre le gaz chez nos clients. Où êtes-vous implanté ? Donc en fait, nous sommes implantés à Voie-Vacon depuis 1990. Donc ce n'est pas nous qui avons créé la société, hein. Nous on l'a rachetée en 2013. L'implantation à Voie-Vacon, en fait, ça vient en fait du dirigeant de l'époque, hein, de celui qui a créé l'entreprise, qui habitait pas très loin d'ici, à Commercy. Donc je pense que cette implantation, elle a été volontaire. Parce qu'il y avait la RN4 qui passait tout près, donc c'était c'est pratique pour assurer toutes nos livraisons en fait sur toute la France, et en plus ça nous permet d'aller chercher notre gaz en Allemagne. Donc l'implantation, je pense qu'elle a été choisie aussi par rapport à ça. Quel a été l'impact de la Covid-19? Alors la Covid-19 a eu un impact important sur notre entreprise, puisqu'on a été fermé du 30 octobre 2020 jusqu'à peu près au 15 mai, jusqu'au 15 mai 2021. Bah, sachant que nos clients sont les bars et les restaurants, étant fermés, ils n'avaient pas besoin de CO2, donc on n'avait pas besoin de livrer. Ouais, donc oui, ça a eu un impact très important. L'activité était pratiquement nulle. On a été obligé de mettre la majorité de nos salariés en chômage partiel. Quelle est votre flotte de camions ? Notre flotte de camions est de 13 ensembles, plateau Riedel, et de 2 citernes. Nous avons 2 véhicules citernes pour aller chercher le gaz en Allemagne. Quel a été l'impact de la hausse du prix des hydrocarbures ? Donc forcément, ça a un impact sur déjà sur notre tarif. Hein. Du coup, on est obligé d'augmenter sérieusement nos tarifs début janvier 2022. On est obligé de répercuter la hausse en fait de ce carburant, forcément. Comment votre activité peut-elle s'améliorer ? Et qu'il n'y ait plus de confinement déjà, qu'il n'y ait plus de fermeture des bars et des restaurants. Oui, ça c'est une première chose, mais il faut aussi remercier les aides qui ont été données. Et puis heureusement qu'on est en France, parce que je pense que ce n'est pas dans tous les pays. Le gouvernement a quand même bien aidé. Voilà, maintenant l'idéal c'est qu'il n'y ait plus de confinement, plus de fermeture. Oui, c'est vrai qu'on a eu des aides du fonds de soutien et puis pour le chômage partiel également, en fait, ça nous a bien aidé quand même d'avoir ces aides-là. Eh bien, merci donc Pogos et Samori pour cette interview intéressante, hein, donc qui nous montre que à côté donc de la restauration, il y a tous les fournisseurs, hein, qui sont aussi directement impactés par donc cette crise sanitaire. On passe maintenant à donc une autre chronique économique. Alors Maxime, Pierre et Théo, vous allez aborder un thème économique un peu plus complexe que vous allez tenter de vulgariser. Eh bien bonjour à tous, et en effet nous allons aborder le thème de la crypto-monnaie à l'aide de Théo et Maxime. Je vais commencer avec toi Théo, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? La crypto-monnaie est une monnaie numérique, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'un système organisé comme la BCE pour l'euro. Et quelle est la plus développée aujourd'hui selon toi ? La plus développée est le Bitcoin aujourd'hui, leader du marché, et une des premières crypto-monnaies à être mise en place en 2009. Elle représente 60% du marché de la crypto-monnaie, suivie par l'Ethereum avec 20%. Elle ne permet aujourd'hui que d'effectuer certaines transactions sur Internet avec des coûts de transaction très faibles, même si le e-commerce propose de plus en plus ce mode de paiement. Quel est pour toi, Maxime, l'avantage d'utiliser cette crypto-monnaie ? Un de ses principaux avantages est qu'elle garantit des transactions anonymes avec de très faibles coûts de transaction. Elle est aujourd'hui principalement utilisée par les particuliers pour investir leur épargne et espérer un retour sur investissement. Malheureusement, en parallèle, une utilisation illégale a vu le jour, sur le Darknet notamment, qui est la face cachée d'Internet, même si cela reste marginal. Est-ce que c'est risqué d'investir dans ces crypto-monnaies ? Cela reste de la spéculation, donc ce n'est pas sans risque. Vous pouvez tout perdre d'un jour à l'autre suite à un crack. À l'instar des actions classiques du CAC 40, le prix de chaque crypto dépend de la loi de l'offre et de la demande, et du nombre de transactions réalisées. Cependant, les cryptos sont bien plus volatiles, ce qui engendre des fluctuations plus importantes. En effet, la valeur du Bitcoin est passée de quelques centimes au début à plus de 60 000 dollars à un moment donné. Pourquoi, Maxime, son cours évolue autant ? Il existe aujourd'hui un engouement mondial autour des crypto-monnaies, qui est poussé par les particuliers et de plus en plus par les médias et les influenceurs. Cela a pour conséquence le développement d'un ensemble de services impliquant l'utilisation des crypto-monnaies. Placer son épargne sur des cryptos devient une alternative sérieuse, notamment suite à la perte d'intérêt d'un certain nombre de particuliers à placer leur épargne en banque à cause de faibles taux d'intérêt proposés. Comment cela fonctionne ? Comme dit précédemment, les crypto-monnaies fonctionnent grâce à un réseau informatique décentralisé, à partir duquel n'importe qui peut créer une crypto-monnaie et réaliser des transactions de type achat et vente. Ce système consomme énormément d'énergie et nécessite des appareils puissants pour fonctionner. Cela nous emmène à un des inconvénients de cette technologie. Son fonctionnement a un impact négatif sur l'environnement et contribue au réchauffement climatique. Les crypto-monnaies ont-elles réellement un avenir sur le long terme ? Elles sont de plus en plus prises en considération par les fournisseurs de services financiers et se démocratisent comme une alternative pour placer son épargne chez la nouvelle génération. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, l'ensemble des indicateurs financiers montrent que le marché des crypto-monnaies est en plein essor et perdurera de nombreuses années. Il est à notre avis fort probable que les crypto-monnaies continuent de se démocratiser dans de nombreux pays, mais cela implique de mettre en place une réglementation très stricte afin de contrôler les flux monétaires et lutter contre les activités illicites qui pourraient en découler. Eh bien, merci Théo, Pierre et Maxime pour cette donc chronique sur la crypto-monnaie qui permet donc de nous en connaître un peu plus, hein, sur cette monnaie. Eh bien, on retrouve donc tout de suite le deuxième coup de cœur des étudiants en DCG. Ils ont choisi donc Orelsan, La Quête. Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratch. Donc je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs, je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, toi, tout, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle. Pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket. Alors, je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle. Je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi. Donc, je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Alors, maintenant, on va parler création d'entreprise avec les deux chroniques qui vont suivre. Et tout d'abord, Mélina et Mélanie, vous allez nous présenter une entreprise vosgienne. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'entreprise Inbo, une PME créée en 2013 et installée dans les Vosges, dans la petite commune de Voivre. Cette entreprise a pour activité principale la fabrication de lunettes. Comme toutes les entreprises, Inbo a été confrontée à la crise du Covid-19 et en a profité pour se réinventer. On peut même dire que, contrairement aux autres entreprises, la crise sanitaire lui a été profitable. Alors, en quoi la crise du Covid-19 a permis à Inbo de se transformer ? Alors, la crise sanitaire a permis à Inbo de mettre en place un projet que les dirigeants avaient en tête depuis quelques temps. Avant, l'entreprise produisait des lunettes en très grosse série, environ 1000 lunettes par mois, et chaque salarié avait une fonction bien précise dans la production de ces lunettes. Au début du confinement, ne sachant pas comment occuper leurs salariés, ils en ont profité pour former tous les salariés à toutes les étapes de production, afin de passer d'un système d'usine à un système artisanal. Aujourd'hui, chaque personne réalise ses lunettes de A à Z. Finalement, cette crise leur a aussi permis de changer la façon de gérer le personnel. En effet, Inbo a totalement modifié sa politique de gestion du personnel. Chaque salarié doit effectuer 35 heures par semaine. Cependant, ils ont le choix et peuvent choisir leurs horaires. Ils doivent arriver entre 7h et 10h le matin et peuvent partir le soir entre 15h et 18h. Ce management est devenu un véritable atout pour recruter. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'entreprises dire qu'elles ont du mal à recruter. Est-ce le cas pour cette entreprise ? La réputation du management de cette entreprise permet à l'entreprise de recevoir beaucoup de demandes d'emploi. Elle n'est ainsi pas du tout confrontée à ce problème, au contraire. Elle est passée de 6 salariés au début de la crise à 25 salariés à la sortie du confinement. C'est un nouvel avantage pour l'entreprise, car désormais, à l'embauche, les candidats sont plus à la recherche d'un état d'esprit que d'un niveau de salaire. Face à cette augmentation des effectifs, les locaux se sont-ils agrandis ? En effet, une extension des locaux a vu le jour. L'entreprise continue de grandir avec une extension qui vient de sortir de terre. C'est près de 500 mètres carrés supplémentaires qui vont être construits pour permettre aux 25 salariés de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et également pour pouvoir poursuivre la croissance de cette entreprise. Afin de savoir comment les lunettes Inbo se positionnent sur le marché, nous avons contacté une opticienne de Nancy, Carole Optique, afin d'avoir son avis. Alors, c'est parce que c'est une marque vosgienne, donc locale. C'était des jeunes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'était une belle équipe de jeunes qui avait un beau projet. Et donc, j'avais envie à ce moment-là de les aider, puis ils avaient des beaux produits. Est-ce que ce produit propose un bon rapport qualité-prix ? Vu que c'est un produit réalisé à la main et tous les produits viennent de France, que ce soit pour le lin, pour les étuis, le bois, le bambou et autres, tout vient de France. Et donc le produit est pour moi un bon rapport qualité-prix par rapport à d'autres lunettes. Qu'on pourrait trouver dans du haut de gamme, on est pas mal positionné, je trouve. Est-ce que vous proposez les produits à vos clients ou les clients demandent-ils spontanément ces lunettes ? Bah, je dirais un peu les deux. Donc j'ai des clients qui viennent spontanément parce qu'ils ont vu ce type de lunettes sur les réseaux sociaux, site internet de Inbo, ou d'autres à qui je propose parce que certaines personnes recherchent aussi un petit peu du Made in France, plus en plus recherché, et puis des matériaux nobles en fait, voilà. Eh bien, merci Mélina et Mélanie pour cette présentation donc, d'une entreprise de Vosgienne, donc Inbo, donc, qui produit et commercialise donc, des lunettes. On se retrouve donc tout de suite pour une nouvelle et dernière chronique économique. Eh bien donc, demain matin, si vous avez envie de vous faire livrer votre petit déjeuner, eh bien Philippine et Célia ont la solution, n'est-ce pas ? Et oui, deux jeunes étudiants très charmants, Valentin et Arthur de la Wind School à Nancy, ont créé une entreprise au nom de Sundej. Alors, leur entreprise livre des petits déjeuners et brunch jusqu'à 20 km autour de Nancy. Ils la dirigent à deux seulement et en parallèle de leurs études. Franchement, on peut dire qu'ils s'en sortent très bien et jouissent d'une bonne réputation. Mais du coup, d'où vient cette idée ? Alors, l'idée naît pendant le second confinement. Valentin étant sportif, le petit déjeuner est très important pour lui et il décide de créer Sundej. Valentin commence seul et Arthur se lance dans l'aventure peu après. C'est vrai que les habitants étant bloqués à leur domicile, la livraison était une réelle opportunité pour eux. Ils ont bien géré leurs coûts, mais qu'est-ce qui leur a permis de se développer ? Eh bien, ils mettent en avant leur société grâce à une formule entièrement personnalisable sur leur site internet intuitif sundej.store, que l'on retrouve presque nulle part ailleurs. Ils offrent une qualité irréprochable de produits frais, alliant parfaitement études et entreprises avec une réelle organisation pour répondre aux besoins de leurs clients. On retrouve toutes sortes de produits, des viennoiseries aux produits chauds. Et n'oublie pas aussi qu'ils s'intéressent aux besoins de leur clientèle en voulant offrir de beaux et bons produits. Par exemple, ils proposent lors d'événements comme Noël, la fête des mères qui est très demandée, ou la Saint-Valentin, des paniers magnifiquement décorés avec des produits offerts. Ce qui est formidable, c'est que Sundej est en expansion et ne cesse de s'accroître avec environ 40 commandes par semaine. On peut les féliciter pour leur courage, combiner les études, le sport et l'entrepreneuriat n'est pas évident. C'est vrai qu'ils méritent leur succès, alors partagez cette société et faites-vous plaisir en commandant de délicieux brunchs accessibles à tous grâce à leur prix attractif. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez les retrouver sur Facebook et sur Instagram au nom de Sundej, S-U-N-D-E-J, où ils partagent leurs créations à travers de très jolies photos. Eh bien, merci Philippine et Célia. Je retiens donc l'idée pour organiser donc de futurs brunchs. Donc, ainsi s'achève cette émission de l'Instant Éco. Merci aux étudiants DCG du lycée Georges de la Tour d'avoir co-animé cette émission. Et on se retrouve donc le mois prochain pour de nouvelles chroniques économiques. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et de nous faire part des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés. Donc, dans cette émission, il y a Francine, rendez-vous le mois prochain. Tout à fait, Jérôme. Au mois prochain. Et puis, d'ici là, restez donc fidèles à Radio Fadjet.